السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons étudié ces jours passés les conditions de la prière, les piliers de la prière, ainsi que ses obligations. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons incha'Allah ta'ala étudier shurut al-wudu wa wajibatu, les conditions des ablutions ainsi que ses obligations. Les conditions des ablutions ainsi que ses obligations. Nous avons vu dans des cours précédents que parmi les conditions de la prière, il y avait at-tahara, la purification. Ainsi, ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui a la plus haute importance, car on comprend que sans la purification, il n'y a pas de prière acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que nous avons été créés si ce n'est pour accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous avons été créés si ce n'est pour cette adoration avec sincérité? Et quelle prière et quelle adoration est plus importante que cette prière? Ainsi, le musulman ne doit pas se décharger de cette prière, mais il doit accomplir la prière, c'est-à-dire avec ses conditions, avec ses piliers, avec ses obligations. Et une des conditions les plus importantes, à laquelle les savants ont donné beaucoup d'importance, ils ont enseigné, ils ont écrit, ils ont répondu aux questions et émis des avis juridiques dans ce sujet, c'est at-tahara, la purification. Al-wudu, les ablutions. Ainsi, à partir du moment où tu comprends, cher frère, que les ablutions sont une condition d'acceptation de la prière chez Allah subhanahu wa ta'ala, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous qui a perdu ses ablutions jusqu'à ce qu'il les fasse. Donc c'est une condition. À partir de là, tu comprends l'importance d'étudier les règles relatives à la purification. Sache, mon cher frère, que shurutul wudu 'ashara, les conditions des ablutions sont au nombre de 10. La première condition, ash-shartul awwal al-islam. لقوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. La première condition des ablutions est l'islam, être musulman. Ainsi, celui qui n'est pas musulman, ses ablutions ne sont pas valables, comme l'ensemble de ses actes d'adoration. En effet, dans sourate Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et quiconque mécroit en la foi, ses actions seront vaines, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. La deuxième condition est shartu thani al-aql. Liqawli nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam rufi'a al-qalam an thalatha wa dhakara minhum al-majnoun hatta yufiq. La deuxième condition des ablutions est la raison. La raison, être conscient. En effet, celui qui n'a pas la raison, la plume est levée et ses actions ne sont pas valables, car il ne sait pas ce qu'il fait, il ne maîtrise pas ce qu'il fait et il ne peut y avoir également d'intention alors que sa situation est celle-ci. Celui qui n'a pas la raison, ses ablutions ne sont pas valables, tout comme les autres actes d'adoration. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la plume est levée pour 3. Et il a cité parmi ces 3 catégories de personnes celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. الشرط الثالث التمييز. La troisième condition pour les ablutions, التمييز, le discernement. Le discernement. C'est-à-dire que l'enfant atteigne 7 ans, qu'il complète 7 ans, qu'il comprenne ce qu'on lui dit, qu'il soit capable de répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mouru abna'akum bis-salati sab'a » Ordonnez à vos enfants la prière à 7 ans. Et découle forcément de cet ordre-là le fait qu'ils fassent les ablutions. Car il n'y a pas de prière acceptée chez Allah si ce n'est avec les ablutions. La quatrième condition d'authenticité des ablutions est l'intention. C'est une condition pour l'ensemble des adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Les actions ne valent que par les intentions. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim selon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et c'est le premier hadith dans Sahih al-Bukhari et dans plusieurs autres livres. Qu'est-ce que l'intention dans les ablutions? C'est-à-dire qu'il a dans son cœur, lorsqu'il accomplit cet acte d'adoration, le fait qu'il se rapproche d'Allah en faisant ses actions. نِيَّةْ يَنْوِي التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ بِفِعْلِ الْعِبَادَ. L'intention ici, c'est le fait de rechercher à se rapprocher d'Allah par les actes composant les ablutions. A l'inverse, la personne qui laverait le visage, les mains, qui essuierait la tête, les oreilles, laverait les pieds, mais pour se rafraîchir, ou encore pour se nettoyer, pour faire une toilette. Est-ce qu'on dirait de lui qu'il a fait ses ablutions en islam? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas recherché à travers ses actions l'adoration d'Allah. Il n'a pas recherché à travers ses actions à se rapprocher de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ainsi, on comprend bien que l'intention ici, c'est que dans son cœur, lorsqu'il fait ses actions, il les fait pour se purifier, pour faire cette adoration. Pour faire la purification, pour faire cette adoration en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes passés rapidement sur ces 4 conditions car nous les avons déjà étudiées dans les conditions de la prière. Passons maintenant à la 5e condition des ablutions. الشرط الخامس استصحاب حكمها. استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. Qu'est-ce que la 5e condition? C'est d'accompagner, c'est le fait d'accompagner ce jugement-là, c'est-à-dire l'intention, de sorte à ne pas interrompre les ablutions jusqu'à la fin. La personne fait ses ablutions et du moment où elle commence jusqu'au moment où elle finit, elle ne coupe pas cette intention qu'on a vue dans la 4e condition. Elle n'interrompt pas cette intention. Elle ne coupe pas cette intention jusqu'à avoir fini sa purification. Donc, istishabu hukmiha, c'est-à-dire qu'il a l'intention de faire ses ablutions, et que cela l'accompagne de sorte à ce qu'il ne coupe pas cette intention. Naam. Donc, istishabu hukmiha, c'est la condition. Et la suite, c'est son explication et son éclaircissement. Par contre, j'attire votre attention sur un point. Amma istishabu dhukri niyya, أما استصحاب ذكر النية فمستحب. Donc, استصحاب حكمها, c'est la condition ici. Le fait que cette intention nous accompagne, de sorte à ce qu'on ne coupe pas l'intention avant d'avoir fini ses ablutions. Par contre, le fait de se souvenir et d'avoir présent dans son cœur que du début à la fin, la personne est dans cet acte d'adoration, donc de se rappeler de son intention du début à la fin, en plus de l'avoir mis au commencement de l'action, ceci est recommandé et n'est pas une obligation. Ceci est recommandé et n'est pas une condition. Je répète, mettre l'intention de faire ses ablutions, et ça c'est dans le cœur, ça ne se prononce pas, c'est la quatrième condition. La cinquième condition, c'est que cette intention nous accompagne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne pas couper son intention pendant l'accomplissement des ablutions jusqu'à la fin. Par contre, il y a un point en plus de cette condition qui est recommandée et qui n'en fait pas partie, qui ne fait pas partie de la cinquième condition. C'est quoi ? Ça s'appelle istishabu dhukriniya. C'est le fait d'avoir, c'est le fait de se rappeler du début à la fin des ablutions, cette intention. Le fait de s'en rappeler. Ceci est recommandé, mais pas une condition. Ash-shartu as-sadis, la sixième condition, inqita'u mujibil wudu'. La cessation de tout ce qui coupe les ablutions. La cessation et l'interruption de tout ce qui peut couper les ablutions. À titre d'exemple, si la personne a uriné, si la personne a uriné ou si la personne a un gaz, akramakumullah, cette condition signifie pour son cas qu'elle doit finir d'uriner, elle doit finir ce gaz-là avant de pouvoir commencer à faire ses ablutions. Donc il doit avoir terminé l'acte qui a pour jugement l'annulation des ablutions. Il ne peut commencer al-wudu, ses ablutions, tant qu'il n'a pas fini de faire l'action qui entre dans les annulatifs des ablutions. Il y a ici une exception. وَيُسْتَثْنَا مِنْ ذَٰلِكَ مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ. L'exception, c'est celui qui n'est pas en mesure de contrôler ce qui sort de ses deux orifices. Celui qui est sujet, par exemple, aux incontinences urinaires ou au gaz ou encore à la femme mustahava, la femme qui, en dehors de sa période menstruelle, à des écoulements de sang. Donc, ces gens-là ne sont pas visés par cette condition, comme on le verra à la fin, incha'Allah ta'ala, de ces conditions. Car ils ne sont pas en mesure de contrôler ce qui sort d'eux. Ash-shartu as-sabi', la septième condition, istinja'u ou istijmaru qabla, le fait de se nettoyer les parties intimes avant de faire el wudu. quelle est la condition ici? La, qui concerne cette condition? هذا الشرط إنما هو لمن قضى حاجته قبل الوضوء. قبل الوضوء. Cette condition concerne uniquement la personne qui a effectué ses besoins, qui a accompli ses besoins avant de faire ses ablutions. Quant à celle qui n'est, qui n'a pas accompli ses besoins, cette personne n'est pas visée par cette condition. Cette personne n'est pas visée par cette condition. Donc, je répète, il n'y a pas l'obligation ni la condition d'aller aux toilettes pour se nettoyer avec de l'eau devant ou derrière, ou avec du papier toilette devant ou derrière, ou autre chose qui a le même jugement, dans le cas où nous n'avons pas effectué nos besoins. Mais cette condition ne concerne que celui qui a fait ses besoins avant. Qui a fait ses besoins avant. Non pas comme le pensent certains, qu'il faut obligatoirement passer aux toilettes avant de faire ses ablutions. C'est une idée reçue et répandue qui n'est pas bonne, elle est plutôt erronée. Donc comprenez cela et propagez-le. Barakallahu fikum. Et ceci fait partie de la mansuétude de cette religion et de sa facilité. Al-istinja, ce terme-là signifie قطع النجو وهو عام بالماء أو غيره. الاستنجاء, c'est le fait de se nettoyer après avoir uriné ou défecté, que ce soit avec de l'eau ou ce qui prend son jugement comme le papier toilette et autres. Quant au terme الاستجمار هو إزالة البول أو الغائط بحجرة ou ma fi hukmiha. Al-istijmar, par contre, c'est le fait de se nettoyer pour ôter l'urine, c'est le fait de se nettoyer après avoir uriné ou défecté, avec des pierres, ou ce qui a le même jugement, comme le papier toilette. Donc, al-istinja, c'est général, que ce soit avec de l'eau ou autre. Et al-istijmar, c'est plus spécifique. C'est avec des pierres ou ceux qui ont le même jugement. Donc je répète, la personne qui est visée par cette condition est celle qui est passée avant aux toilettes accomplir ses besoins. Barakallahu fikum. Ash-shartu thamin, la huitième condition, tahuriyatul ma', la pureté de l'eau. C'est-à-dire que l'eau doit être pure. Elle ne doit pas être affectée par l'impureté au point de changer son jugement d'eau pure à eau impure. Donc, nous devons utiliser de l'eau qui n'est pas souillée par des impuretés au point d'en changer son jugement. Comment est-ce qu'une eau pourrait devenir souillée dans la religion à un point tel qu'on ne puisse plus l'utiliser pour se purifier avec? Il y a trois choses. La première, c'est si une impureté tombe dans cette eau-là, au point d'en changer sa couleur. La deuxième, si une impureté tombe, au point d'en changer son odeur. Et la troisième, si une impureté tombe, au point d'en changer son goût. Donc, l'odeur, la couleur et le goût. Si une impureté tombe dans l'eau et que ça modifie l'une de ces trois caractéristiques, on dira que cette eau n'est plus pure, mais elle est devenue impure. On ne peut l'utiliser pour faire el-wudu ni el-rusl. Et cela, on le suppose dans le cas où l'eau n'est pas dans une très grande quantité. N'est pas en très grande quantité. Donc, il faut que l'eau soit pure. Il y a un autre sujet, c'est la laïcité de l'eau. Yani, dans le cas où la personne a volé de l'eau, est-ce qu'il peut faire al-wudu avec? Est-ce que ce sera valable? Dans le cas où la personne a arraché cette eau-là, dans le cas où la personne a utilisé cette eau qui avait été donnée pour des œuvres précises et non pas pour al-wudu, est-ce que cette wudu-là est valable ou pas? Les savants ont divergé. Certains ont dit que oui, la condition c'est juste qu'elle soit pure. Donc ces ablutions seront valables, mais il aura en plus de cela le péché. Il aura le péché. Donc, ça n'invalide pas ces ablutions, mais il aura atteint la purification, il aura fait ses ablutions, elles seront valables, mais avec cela, il aura des péchés. Il aura des péchés. Ceci est l'avis prépondérant chez beaucoup de savants, et d'autres savants disent que si l'eau est volée, si elle ne lui est pas licite, alors les ablutions ne sont pas valables. Al-shartu at-tasi' izalatu ma yamna'u wusul al-ma'i ila al-bashara. Izalatu ma yamna'u wusul al-ma'i ila al-bashara. Le fait d'ôter tout ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau. Le fait d'ôter, d'enlever tout ce qui empêche l'eau d'atteindre la peau de la personne. Quant au fait que la peau de la personne est changée de couleur suite à une teinte due, par exemple, au henna ou autre, ceci n'invalide pas les ablutions. Ceci n'empêche pas de faire al-wudu. Mais il s'agit plutôt ici d'enlever, par exemple, la farine sur les mains du boulanger, la peinture sur les mains du peintre, et ce genre de choses. Le typex sur les mains de l'étudiant, de l'écolier, et ce genre de choses. Le vernis à ongles sur les doigts de la femme, sur les ongles de la femme, et ce genre de choses. Et ce genre de choses. Et les savants, pour ce sujet, ont émis une fatwa pour la personne qui est éprouvée au quotidien par ce genre de choses. C'est-à-dire que son métier l'amène à se retrouver dans des situations où il y a des petites parties de son corps qui sont sujettes à cela. Il n'a pas la garantie, il n'a pas la certitude à 100% qu'il n'y ait pas un peu de farine dans tel endroit, ou un peu de peinture à tel endroit. Donc dans ce cas-là, les savants ont dit « Fattakullah mastata'atum ». Ils doivent craindre Allah autant que possible. Ils doivent craindre Allah autant que possible et s'assurer qu'ils ont bien enlevé ce qui empêchait l'eau d'atteindre leurs membres. Involontairement, il reste certaines choses où c'est dit, c'est très difficilement enlevable, alors dans ce cas-là, ils sont excusés. Dans ce cas-là, ils sont excusés. Et Allah dit dans le Coran, « La yukallifullahu nafsan illa us'aha. » Allah ne charge pas une âme au-dessus, yani, si ce n'est ce qui est dans sa capacité. Allah ne charge pas une âme, si ce n'est selon ce qui est, ce qui entre dans sa capacité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Nahad ad-din yusrun. Certes, cette religion est facilitée. Certes, cette religion est facilitée. Al-shartu al-ashir, la dixième condition. Dukhul waqti salati fi haqqi man hadathuhu da'im. Dukhul waqti salah. Fi haqqi man hadathuhu da'im. L'entrée de l'heure de la prière pour celui qui perd ses ablutions sans cesse. L'entrée de l'heure de la prière pour celui qui perd ses ablutions sans cesse. Il s'agit ici de la personne qui n'a pas le contrôle. Il s'agit ici de la personne qui n'a pas le contrôle de son conduit urinaire, ou bien qui n'a pas le contrôle de la sortie de ses gaz. Il s'agit également de la femme qui a un écoulement de sang en dehors de sa période, en continu. Donc, ces gens-là ont une condition particulière. Ces gens-là ont une condition particulière. C'est d'attendre l'entrée de l'heure. Attendre l'entrée de l'heure et faire ses ablutions à ce moment-là. À ce moment-là. Donc, l'homme ou la femme qui a salasul bowl, qui a des fuites urinaires, qui ne sont pas contrôlées, cette personne-là, comment devra-t-elle se comporter? Elle doit ou elle devra attendre l'entrée de l'heure. Une fois l'entrée de l'heure arrivée, elle ira, s'il y a un besoin, se nettoyer aux toilettes en mettant de l'eau, puis elle mettra une protection pour que son vêtement ne soit pas souillé autant que faire se peut, et ensuite elle fera les ablutions, sans se soucier de ce qui sortira après. Puis elle pourra faire la prière, et la prière obligatoire, ainsi que les prières recommandées, et cela jusqu'à la prière suivante, sans se soucier de ce qui sort dû à sa maladie, dû à ses incontinences. C'est pareil pour la personne qui a des gaz, qu'elle ne contrôle pas. On ne parle pas ici de la personne qui a beaucoup de gaz. On parle de l'état maladif de la chose. Et le troisième exemple cité par les savants, c'est le mustahava. C'est la femme qui a des métroragies. La femme qui a des métroragies. C'est-à-dire un écoulement de sang qui a lieu en dehors de sa période menstruelle. Un écoulement sanguin qui a lieu en dehors de sa période menstruelle. Dans ce cas-là, cette femme attendra l'entrée de l'heure de la prière. Elle ira se nettoyer, elle mettra une protection pour préserver son vêtement de l'écoulement. Et elle fera le wudu. Puis elle pourra prier, par exemple le dhuhr. Elle pourra prier la sunna avant le dhuhr, elle pourra prier la sunna après le dhuhr, elle pourra prier ce qu'elle veut. Mais une fois le asr arrivé, comment ces gens-là devront se comporter? Ils devront réitérer la même chose. C'est-à-dire aller se nettoyer, mettre une protection, faire el wudu et prier ce qu'ils veulent prier. Et prier ce qu'ils veulent prier. La sunna avant, entre l'adhan et l'iqama, et prier le asr. Naam, il n'y a pas de prière après l'asr. Donc, comment vont-ils se comporter au maghrib? Pareillement, au isha, pareillement, au fajr, pareillement. Mais si, il y a une remarque importante. C'est que cette excuse leur est donnée, c'est-à-dire le non-besoin de refaire el wudu jusqu'à la prière suivante, cette excuse leur est donnée à condition qu'ils ne soient pas touchés par un autre annulatif. À condition qu'ils ne soient pas touchés par un autre annulatif. Si la maladie de la personne est relative à l'urine, par exemple, dans le cas où elle dort et se réveille, le sommeil profond faisant partie des annulatifs de l'wudu, on ne dira pas elle peut encore prier. Non, parce qu'ici, elle était excusée pour son problème de fuite urinaire, pas pour le reste. Donc si elle a dormi, elle a perdu l'wudu. À ce moment-là, la personne devra refaire l'wudu, pas en lien avec sa maladie et cette condition, mais parce qu'elle a perdu l'wudu. Mais parce qu'elle a perdu l'wudu par la cause d'un autre annulatif, en espérant que cette condition soit claire. Pour preuve, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, il y a le cas de Fatimatu bint Hubaysh, radiyallahu anha, une sahabiya, Fatimatu bint Hubaysh, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, « Ya Rasulallah, inni mra'atun ustahad, fala Elle lui a dit, au messager d'Allah, je suis une femme en métrorage. Fala atharu afa ad'u salah. Je ne deviens jamais pur. Je ne suis jamais pur. C'est-à-dire, ce sang-là ne s'arrête jamais. Dois-je délaisser la prière? Qala la, innama dhalika irqun, laysa bihayd. Il lui a dit non. C'est-à-dire, tu ne dois pas délaisser la prière. Ceci n'est qu'une veine. C'est-à-dire, c'est une veine qui a été touchée, d'où cet écoulement de sang. C'est une veine. Et ce sang-là n'est pas des menstrues. فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِ الصَّلَةِ Ainsi, lorsque tes menstrues arrivent, délaisse la prière. وَإِذَا أَتْبَرَتْ فَغْسِلِ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي Et lorsque tes menstrues disparaissent, ou partent, dans le sens s'arrêtent, lave-toi, ou lave de toi le sang, na'am, puis accomplis la prière. Accomplis la prière. Qala Ubay, thumma tawadda'i li kulli salatin hatta yaji'a dhalika al-waqt. Obéi a ajouté, puis accomplis tes ablutions pour chaque prière jusqu'à ce que le temps vienne. Jusqu'à ce que ce temps vienne. Puis accomplis tes ablutions pour chaque prière jusqu'à ce que ce temps vienne. Les savants ont tiré de ce hadith que la femme sujette au métrorragie doit refaire el wudu pour chaque prière. Pour chaque prière à l'entrée du temps. Et que ce jugement est également appliqué sur la personne qui est sujette aux incontinences non contrôlées en continu. Ces gens-là doivent se comporter de la même manière, c'est-à-dire refaire el wudu pour chaque prière. Voici les conditions des ablutions. Elles sont au nombre de 10, 8 concernent tout le monde, et 2 sont des cas particuliers. L'islam, être musulman, la raison, atteindre le discernement, l'intention, le fait d'accompagner son intention, c'est-à-dire ne pas avoir l'intention de l'interrompre jusqu'à avoir fini ses ablutions, cesser tout acte qui annule les ablutions, ensuite se nettoyer et les parties intimes avant de faire les ablutions, ça c'est un cas particulier pour celui qui a accompli ses besoins. Puis, la pureté de l'eau. Après cela, ôter de la peau tout ce qui empêche l'eau de l'atteindre. Et enfin, l'entrée de l'heure pour celui qui est tout le temps en état d'impureté. Pour celui qui est tout le temps en état d'impureté, ceci est également un cas particulier. Après avoir mentionné shurut ul wudu, après avoir mentionné les conditions des ablutions, passons maintenant à furud ul wudu'i wa hiya sitta. Passons maintenant aux obligations des ablutions qui sont au nombre de 6. Qui sont au nombre de 6. À savoir ghusl ul wajh wa minhu al madmadah wal istinshaq. وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين أو إلى الكعبين والترتيب والموالاة. Les obligations des ablutions sont au nombre de 6. Et ce qui est voulu ici par les obligations, هي الأركان التي يتركب منها الوضوء. Ce qui est voulu par les obligations, ce sont les piliers, les parties composantes de الوضوء. Mais les jurisconsultes, les savants du fiqh, n'ont pas appelé cela أركان, pilier comme à leur habitude, comme on a vu pour la prière, mais ils ont appelé cela فروض. Pourquoi cela? Pourquoi ils n'ont pas dit arkan ul wudu wa hiya sitta? Ils ont dit, mais ils ont plutôt dit furud ul wudu. Pourquoi est-ce qu'ils ont spécifié les piliers par cette appellation al furud, les obligations? Ceci car ces 6 obligations sont venues dans un seul et même verset. Dans un seul et même verset, ayant au début l'ordre de faire al-wudu de cette manière. Alors que dans les autres adorations, les piliers ont été mentionnés dans différents textes. Pour al-wudu, dans ayatul wudu, dans le verset de al-wudu, le verset 6 de surat al-ma'ida, les 6 obligations, les 6 piliers sont réunis. Ainsi, les fuqaha, les savants du hadith, du fiqh, ont appelé cela furud al-wudu. Et furud, c'est le pluriel du mot fard. Et ça signifie ma amara bihi shari' ala sabil ilzam. Ce qui est obligatoire, c'est-à-dire ce qui nous a été ordonné par le législateur, ce qui nous a été ordonné dans la religion, de manière ferme. الفرض الأول, la première obligation, غسل الوجه, le lavage du visage. الوجه, qu'est-ce que le visage et quelle est sa délimitation? À partir du moment où on doit le laver, on doit connaître toujours la délimitation de cela. وما تحصل به المواجهة. إذن فمن منابت الشعر من منابت شعر الرأس المعتاد نعم إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. Donc, laver le visage. Le visage, c'est quoi? La face, c'est ce avec quoi tu fais face aux gens. Ainsi, en hauteur, ça commence du haut du front à la pousse habituelle des cheveux des gens, vers le haut, jusqu'au menton vers le bas. Donc, du sommet du front à la pousse habituelle, où il y a la pousse habituelle des cheveux, on dit habituelle parce qu'il se peut que la personne soit chauve, il se peut que la personne ait une défaillance dans la pousse de ses cheveux. Donc on dit habituelle, pour que ça englobe l'ensemble des gens responsables. Donc, de la pousse du haut du front, où a lieu la pousse habituelle des cheveux, jusqu'au menton. Ça, c'est en hauteur. Et en largeur, de l'oreille à l'oreille. De l'oreille à l'oreille, c'est-à-dire de la délimitation entre l'oreille et le visage. Et on remarquera qu'on a commencé par le visage, car c'est la partie la plus noble. Quant au fait de commencer par laver les mains avant le visage, ceci est une sunna et non une obligation. Sauf dans le cas où la personne est partie se coucher la nuit, a dormi et se réveille. Là, oui, c'est obligatoire de laver ses mains à trois reprises, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui a dormi la nuit, al-baytuta, c'est le sommeil de la nuit, qu'il se lave les mains trois fois avant de les mettre dans le récipient, car elle ne sait pas où ses mains ont passé la nuit. Donc ça, c'est une obligation dans ce cas particulier. Sinon, à la base, se laver les mains trois reprises avant de commencer el wudu, c'est une sunna pour la purification, c'est une sunna. Donc, il se lave le visage. Les savants ont dit « wa minhu al-madmadatu wa al-istinshaq » entre dans le fait de laver le visage, le fait de se laver la bouche et le nez. Le fait de se laver la bouche et le nez. Al-madmada, c'est le fait de mettre de l'eau dans la bouche et de la rincer. Al-madmada, c'est le fait de mettre de l'eau dans sa bouche et de la rincer. Al-istinshaq, c'est le fait de mettre de l'eau dans son nez en l'inspirant. Donc, laver la bouche et le nez, étant donné que la bouche et le nez font partie du visage, ça entre dans cette première obligation. Al-fardu thani, la deuxième obligation, raslu al-yadayni ila al-mirfaqayn, ay ma'a al-mirfaqayn. Laver les mains jusqu'au coude, c'est-à-dire avec les coudes. De l'extrémité des doigts de la main, de l'extrémité des doigts de la main, jusqu'au coude y compris. Donc forcément, on va dépasser un minimum. Et ici, malheureusement, beaucoup ignorent que les mains doivent être lavées ou relavées à ce moment-là. Les mains doivent être lavées à ce moment-là. C'est cela qu'est l'obligation. Certains lavent du poignet jusqu'au coude. Subhanallah. Ici, il faut laver les mains, l'avant-bras et le coude. Ici, il faut absolument, obligatoirement, laver les mains avec l'avant-bras jusqu'au coude, les coudes y compris. Donc, retenez bien, de l'extrémité des doigts de la main, le poignet, l'avant-bras et le coude y compris. Et le coude y compris, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-fardu thalith, la troisième obligation, mashu jami'i ar-ra's wa minhu al-udhunan. Le fait d'essuyer. Remarquez bien ce terme, essuyer. Jusqu'à présent, on disait laver. Là, on dit essuyer. C'est-à-dire passer la main mouillée. Essuyer l'entièreté de la tête. Et fait partie de la tête les deux oreilles. D'accord ? Donc, on passe les mains mouillées sur la tête. Et on fait la même chose pour les oreilles. Car les oreilles font partie de la tête, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-udhunani min ar-ra's. Al-udhunani min ar-ra's. Comme l'ont rapporté Abu Daoud. Al-Tirmidhi ibn Majah. Et Charles Albani dit que ce hadith-là est authentique. Rahmatullahi alayhim. Les deux oreilles font partie de la tête. Donc les oreilles ne font pas partie du visage, mais de la tête. Et comme le jugement de la tête, c'est l'essuyage, pareillement pour les oreilles. Et il n'y a pas le besoin de reprendre de l'eau pour faire cette obligation des oreilles, mais on continue. Mais on continue dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, radiallahu anhu, « Thumma masaha ra'sahu biyadayhi fa'aqbala bihima wa adbar » Le Bukhari Muslim rapporte ce hadith de Abdullah ibn Zayd, le prophète sallam, a essuyé sa tête avec ses deux mains. A essuyé sa tête avec ses deux mains. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَتْبَرَ Ainsi a dit Abdullah ibn Zayd. Donc, c'est comme cela que les savants ont dit. Il est venu et reparti avec ses mains. La logique chez nous voudrait qu'on dise il est parti en arrière, il est revenu en avant. Mais à partir du moment où le sahabi a dit ainsi, les fuqaha n'ont cessé de dire de cette manière-là, avec l'explication. Donc, les mains mouillées, on part du front, du haut de la tête, ou plutôt du haut du front, on essuie jusqu'à la nuque, où il y a les cheveux, ensuite on revient au haut du front, et sans enlever les mains, on va directement aux oreilles, avec le pouce. Nous faisons derrière, et avec le majeur, on fait la face que les gens voient des oreilles, la partie que les gens voient de l'oreille. Al-Fardu al-Rabi'a. Donc ici, il faut bien essuyer toute la tête. Il faut bien essuyer toute la tête, pas qu'une partie. Al-Fardu al-Rabi'a, la quatrième obligation, Ghaslu al-Rijlayn ma'a al-Ka'bayn. Laver les deux pieds avec les malléoles. Laver les deux pieds avec les malléoles. Les malléoles sont étant les deux boules que nous avons aux chevilles extérieures et intérieures. Chaque cheville a deux kab, deux malléoles. Donc il faut laver le pied jusqu'à cet endroit-là, les malléoles. Il faut laver les deux pieds et il faut laver les malléoles. Et beaucoup ont du laxisme dans ce point-là, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wailu lil aqabi minan nar » « Malheur !» « Malheur aux malléoles du feu !» Les gens ont du laxisme dans le lavage des malléoles. Comme ça n'est pas une partie facile à atteindre, il se peut qu'elle ne soit pas touchée par l'eau, donc il faut faire attention, il faut être minutieux dans les ablutions, sans tomber dans le waswas, bien sûr, ni l'exagération. Et dans le verset, « وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » Lavez vos pieds jusqu'aux malléoles, c'est-à-dire avec les malléoles, comme on le voit dans la description du wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette quatrième condition est énoncée ainsi, car la plupart des gens qui font le wudu ne sont pas chaussés de chaussons ni de chaussettes. Mais dans le cas où la personne porte des chaussons ou porte des bottines ou des chaussettes par exemple, donc où son pied est recouvert, l'obligation ne sera plus le lavage, mais simplement l'essuyage du haut. Mais simplement l'essuyage du haut jusqu'à la cheville. Avec les conditions énoncées dans les livres de fiqh. Al-Fardu al-Khamis, la cinquième obligation, al-Tartib. La cinquième obligation, al-Tartib, c'est-à-dire observer l'ordre mentionné dans le verset de l'Wudu, mentionné dans la description du Wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Tartib, c'est le fait de faire, de laver un membre après l'autre, jusqu'à la fin de l'wudu, de la manière que l'wudu nous a été légiféré. Quelle est la preuve de l'obligation du suivi de l'ordre mentionné dans le verset qu'on citera, Inch'Allah ? C'est que on a fait entrer l'essuyage de la tête, entre le lavage de deux choses, à savoir les mains jusqu'au coude et les pieds jusqu'aux malléoles. Et dans la langue arabe, l'éloquence veut qu'on unisse entre les caractéristiques semblables d'une chose et qu'on sépare lorsqu'il y a une différence. Donc on joint ce qui est pareil. Et là vous remarquerez qu'on a fait rentrer une chose à essuyer au milieu de choses à laver. Cela nous indique que cet ordre-là est voulu et obligatoire. Idkhalu mamsuhin bayna marsulayn dalla ala wujubi tartib. دل على وجوب الترتيب. Le fait d'avoir mis en plein milieu l'essuyage de la tête, en plein milieu de lavage de partie, ça nous montre que c'est à cet endroit qu'il faudra le faire et pas à un autre. Donc il faut suivre cet ordre-là. Le visage, ensuite les mains jusqu'aux coudes, ensuite essuyer la tête, ensuite laver les pieds. Il faut respecter cet ordre-là. On n'a pas le droit de commencer par autre chose, de finir par autre chose, de mélanger. Voici ce qui est voulu par cette obligation lorsqu'on dit « at-tartib », lorsque les fuqaha disent « at-tartib », les fuqaha étant les savants du fiqh, de la jurisprudence. « Amma » par contre, « tartibu mayamini udwin ala mayasirihi fasunna » par contre, le fait de commencer par le lavage du membre droit avant le gauche, par le lavage de la main droite avant la main gauche, du pied droit avant le pied gauche, ceci n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. C'est une sunna. Donc le tartib ici, c'est suivre un membre après l'autre. Pas la droite avant la gauche. La condition ici, c'est un membre avant l'autre et non pas la droite avant la gauche. Al-Fardu Sadis, la sixième et dernière obligation, Al-Mu'alah. Al-Mu'alah. C'est-à-dire la succession. C'est-à-dire faire se succéder les membres de l'wudu à laver, à essuyer, sans qu'il y ait une interruption trop longue, sans qu'il y ait une interruption considérée comme étant trop longue. Donc la personne qui fait l'wudu a l'obligation, après avoir lavé son visage, de faire suivre de cela ou de faire suivre Naam de cela, le lavage des mains avec le coude. Elle ne doit pas tarder à faire cela. Puis après avoir fait ça, elle a l'obligation d'essuyer la tête et les oreilles. Elle ne doit pas tarder. Après avoir fait cela, elle a l'obligation de laver les pieds avec les malléoles. Elle a l'obligation de ne pas tarder. Et elle ne doit pas interrompre cela pour passer à une autre action qui ne fait pas partie de l'wudu, qui serait longue. Qui serait longue. Et comment juger de ce temps-là? Comment le considérer trop long ou pas? Des savants ont dit c'est l'urf. C'est selon la considération chez les gens. S'ils voient que c'est long, on dira que il n'a pas respecté l'obligation. S'il ne voit pas que c'est long, on dira qu'il a respecté cette obligation. D'autres savants disent, on va estimer cela en disant que si le membre précédent n'a pas encore séché, il est toujours dans le mu'alah. Il est toujours dans la succession voulue par cette obligation-là. Dans le cas où le membre précédent a commencé à sécher ou à sécher, alors il n'a pas respecté, son wudu n'est pas valable. Il doit refaire al-wudu. Wallahu a'lam. La preuve de cela est un hadith rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmad a dit isnadu jayyid rahmatullahi alayhima. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait fait al-wudu. Mais il restait une partie de son pied, l'espace d'une pièce qui n'avait pas été touchée par l'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de recommencer el wudu. Il ne lui a pas dit de recommencer le pied qui n'avait pas été touché par l'eau, la partie du pied qui n'avait pas été touchée par l'eau, mais il lui a ordonné de refaire les ablutions entièrement. Le fait qu'il lui ait ordonné de recommencer entièrement les ablutions est une preuve de al-muwala, de l'obligation de faire suivre les membres et de ne pas faire d'interruption. Parce que si ça n'avait pas été une obligation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la facilité. Et lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il choisissait toujours la plus facile. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait ordonné seulement de laver son pied. Mais non, là il lui a ordonné de recommencer ses ablutions du début. Ceci prouve que al-muwala, le fait d'effectuer al-wudu en faisant suivre les membres les uns des autres, sans interruption trop longue ou sans faire entrer entre deux actions une chose n'en faisant pas partie, na'am, de manière trop longue, ça prouve que c'est une obligation. Un exemple, si la personne fait al-wudu et arrivée au bras gauche, elle a le besoin, par exemple, d'appuyer sur un bouton ou d'allumer la lumière. Puis elle reprend al-wudu. Cette personne-là n'a pas rompu ses ablutions. Cette personne-là n'a pas mis trop de temps. Cette personne-là a respecté le muwala. Mais dans le cas où une personne frappe à la porte et que lui est dans la salle de bain, à l'étage, il est arrivé à son bras, il descend, d'accord ? Il va ouvrir la porte, il parle avec la personne, il installe son invité, puis après il remonte et il va faire le wudu une minute ou deux minutes après. Cette personne-là, sans aucun doute, n'a pas respecté le muwala, elle ne pourra pas finaliser son wudu, mais elle devra recommencer son wudu. Barakallahu fikum. Et pour finir, on va mentionner le verset de Al-Wudu. Pour finir, nous allons mentionner le verset de Al-Wudu. Il se trouve dans Surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah étant la surat numéro 5 dans l'ordre du Mus'haf. Et le numéro du verset est le verset numéro 6. Allah nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu » إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا الآية. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes djounoub, état de pollution majeure, alors purifiez-vous. Et lavez-vous. Jusqu'à la fin du verset renfermant énormément de science et de connaissances dans ce domaine de la purification. Donc on voit bien ici que l'al-wudu nous est décrit avec ses obligations. Lorsqu'on nous dit de laver les visages, entre dans le visage, la bouche et le nez, donc al-madmada et l'istinshaq. Lorsqu'on nous dit de laver nos mains, on nous dit jusqu'au coude. On nous dit de passer les mains mouillées sur vos têtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les oreilles font partie de la tête. Puis on nous dit de laver les pieds jusqu'au maléole. El-Ka'b, c'est traduit ici par, le sens du verset traduit ici par cheville. Selon mes faibles connaissances, c'est plutôt les maléoles. Et si une personne a une science relative à ce sujet en plus, qu'Allah la récompense de m'en faire profiter. Donc, Al-Ka'ban, ce sont les deux malléoles. Il y en a deux par pied. Donc, on voit bien ici les quatre premières obligations. les quatre premières obligations. Quant au tartib, yani le fait d'observer cet ordre-là, c'est du fait qu'on a mentionné l'essuyage de la tête en plein milieu de choses à laver. C'est une cinquième condition. Quant à al-mu'ala, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous donne un ordre, et ici, il y a le verbe à l'impératif, on doit le faire, on doit se presser de le faire. Donc c'est al-fawr. Donc ça montre al-mu'ala, en plus du hadith qu'on a mentionné. Voici pour les conditions de l'wudu, et voici pour les obligations de l'wudu. Demain, incha'Allah ta'ala, on étudiera nawaqid al-wudu, les annulatifs de al-wudu, ainsi que d'autres sujets profitables dans notre religion, dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y a certaines personnes qui sont touchées de diverses maladies. On invoque Allah Azza wa Jal en leur faveur. فنسأل الله عز وجل أن يشفيهم ويرفع عنا وعنهم البلاء ويكفينا شر الأسقام وسيئها. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de leur accorder la guérison et de leur accorder l'endurance et la purification. Tout comme on demande à Allah d'ôter de nous cette difficulté ou cette épreuve, de repousser ce virus et de nous permettre de retourner aux mosquées, à la Amra et au pèlerinage. Et il y a l'épouse, notre frère Bouba. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui accorde un prompt rétablissement, qu'il lui facilite sa grossesse, son accouchement, qu'il leur donne une descendance pieuse. Il y a les parents de certaines personnes. On demande à Allah Azza wa Jal, à l'ensemble des musulmans et des musulmanes, un prompt rétablissement, et que ce soit pour une purification et une cause pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également notre frère Jérôme qui a été touché, et d'autres frères comme le frère Mourad et beaucoup d'autres. Naam, on demande à Allah Azza wa Jalla à tous de leur accorder la guérison, de préserver leur famille. Wallahu a'lam, subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين